Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Crime Story. Je suis Ezra et ensemble nous revivrons des affaires criminelles, celles qui ont marqué notre temps, celles qui ont choqué l'opinion et celles qui sont passées inaperçues. Nous essaierons à travers des récits et des faits de répondre à la question pourquoi. Pourquoi est-ce que ces hommes, ces femmes, ordinaires, du jour au lendemain, se transforment en monstres ? Pour ce premier numéro de Crime Story, j'ai décidé de revenir sur l'histoire d'un tueur en série français bien connu, puisqu'il s'agit du tueur de l'Est parisien. Guy Georges, condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, sera libérable en 2020. Arrêté et condamné en 1998, ce parcours macabre conduira à la création du FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pour comprendre le monstre, il faut avant tout comprendre l'homme. Et pour ce faire, je vous propose de remonter le temps pour comprendre et décrypter l'enfance de Guy Georges. Né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François, dans la Marne, Guy Rampillon, né d'une mère française et d'un père soldat américain, sera très vite délaissé et ses parents ne s'en occuperont jamais. Sa mère décidera même de repartir en Californie pour élever son premier fils avec le père de ce dernier. À moins d'un an seulement, il sera confié à la DAS, puis dans une famille d'accueil, les Morins, ayant déjà 5 enfants légitimes. À son arrivée dans la famille, sa mère adoptive le décrira comme un enfant plein de vie, curieux et très gentil. Mais très vite, Guy Rampillon va développer un caractère agressif et violent envers les autres enfants. En 1968, pour faciliter les démarches et faciliter son adoption par la famille Morin, il devient officiellement pupille de l'État et on remplace son nom de naissance, Rampillon, par le patronyme Georges, le prénom de son père. Guy Georges devient un adolescent solitaire et violent et il passe la plupart de son temps dans la forêt à chasser des petits animaux. On lui donne le surnom de Joe l'Indien puisque déjà à cet âge-là, il ne sort jamais de chez lui sans son couteau de chasse. À 14 ans, il tente d'étrangler de ses mains une de ses sœurs adoptives, handicapée mentale, et à 16 ans, il va récidiver en agressant une autre de ses sœurs avec un pied de tabouret, et il va tenter de l'étrangler. Sa mère adoptive décide de s'en séparer de peur qu'il n'arrive quelque chose à ses autres enfants, et il sera envoyé dans un foyer pour jeunes en difficulté jusqu'à sa majorité. En 1979, toujours âgé de 16 ans, il va agresser Pascal à sa descente de bus, mais elle va réussir à s'échapper et il fera une semaine de prison. À sa sortie de prison, Guy Georges est complètement paumé et il commence à boire. Un an plus tard, en mai 1980, il va agresser deux jeunes filles coup sur coup, Jocelyne et Roselyne. C'est là qu'il va monter d'un cran dans ses agressions puisque Roselyne sera poignardée à la joue et Guy Georges, arrêté, sera envoyé un an en prison. À sa sortie de prison, il va s'installer à Paris avec un de ses frères adoptifs sans aucun suivi social ou médical. Pour gagner sa vie, il va voler et se prostituer pour des hommes rencontrés dans les parcs ou dans les clubs gays de la capitale, et c'est à cette période qu'il fera sa première victime parisienne. Nous sommes le 16 novembre 1981. Nathalie, 18 ans, enceinte de 3 semaines, se rend ce jour-là chez son gynécologue pour une première visite de grossesse. Elle franchit la porte de l'immeuble du 14e arrondissement et entre dans l'ascenseur. Un jeune homme y est déjà et il a appuyé sans qu'elle le sache sur le bouton du deuxième sous-sol. Sitôt les portes fermées, l'homme lui saute dessus et la poignarde à la poitrine. Arrivé dans la cave, il la sort de l'ascenseur en la tirant par les cheveux et l'oblige à lui faire une fellation. Il va la violer plusieurs fois et enfin, il va lui sectionner la carotide et la laisser pour morte avant de s'enfuir. Nathalie trouve alors le courage de ramper jusqu'à l'ascenseur et d'appuyer sur l'étage de son médecin qui lui prodiguera les premiers secours avant d'appeler le SAMU. Elle sera sauvée de justesse et deviendra la victime oubliée de l'affaire Guy Georges. Après 8 mois d'enquête, la police conclura un non-lieu Et Guy Georges, quant à lui, sera condamné à 5 mois de prison pour vol. Il sortira de prison le 30 mai 1982. Une semaine après être sorti de prison, le 7 juin 1982, il va agresser dans un parking souterrain du 16e arrondissement, Violette. Il va la violer, la poignarder et il va tenter de l'étrangler. La jeune femme parviendra à s'enfuir et Guy Georges sera repris par la police quelques jours plus tard. Il va être encore une fois condamné à 18 mois de prison qu'il va purger partiellement en Lorraine. C'est pendant cette peine de prison, un soir où il obtient une permission de sortie pour bonne conduite, qu'il va agresser et violer Pascale Nix dans sa voiture. Il va la poignarder mais elle va survivre et la police va arrêter Guy Georges le soir même. Il sera condamné une nouvelle fois à 10 ans de prison. Emprisonné à Caen et bénéficiant d'un régime de semi-liberté, Guy Georges va profiter d'une permission de sortie pour s'échapper. Il ne reviendra pas à la prison et décidera de repartir sur Paris, où il vivra dans des squats. Le 24 janvier 1991, Guy Georges commettra son premier crime qu'il racontera des années plus tard lors d'une audition. Voici les mots de Guy Georges. J'étais à l'époque détenu à Caen et je bénéficiais de permission de sortie. Au cours de l'une d'elles, comme j'étais en retard, j'ai décidé de ne pas réintégrer la prison. C'était, je pense, au mois de janvier. À cette période, je me rendais régulièrement au cinéma Montparnasse et un soir, après la séance, je me suis rendu à côté du métro Edgar Quinet et j'ai pris un verre en terrasse. J'ai vu passer seule une jeune fille blonde aux cheveux longs qui devait avoir environ 22 ans. Elle m'a de suite plu et j'ai flashé dessus immédiatement. La porte d'entrée de l'immeuble où elle habitait s'est refermée lentement et je me suis faufilé derrière elle. Je l'ai même doublé dans l'escalier, elle m'a rejoint au dernier étage. Elle m'a demandé ce que je voulais et j'ai sorti le couteau dont j'étais porteur et j'ai répondu « Toi ». J'avais sur moi un gros Opinel numéro 12. Dans son appartement, pour la calmer, je lui ai dit que je voulais juste l'enlever. Je l'ai attaché avec du sparadrap et j'ai également coupé son soutien-gorge, devant, entre les bonnets. Pour faire cela, je l'avais allongé sur le dos et elle était terrorisée, sans chercher à se débattre. Je l'ai frappé plusieurs fois. Je me souviens pas si la victime a mis longtemps à mourir. Le lendemain, les policiers découvrirent le corps de Pascale Escarfaille dans son lit. Dénudée, elle avait été violée et égorgée. La folie meurtrière de Guy Georges avait démarré. Une semaine après les faits, il ira se rendre dans un commissariat parisien et sera condamné à 8 mois de prison pour cette évasion. Libéré le 4 avril 1992, Guy Georges va sévir seulement 18 jours après sa sortie de prison. Le 22 avril 1992, il agresse Éléonore dans un hall d'immeuble. Sa victime va parvenir à s'échapper et va prévenir les forces de l'ordre qui arrêteront encore une fois Guy Georges et il sera condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Guy Georges ressortira seulement 18 mois après son entrée en prison et il agressera Catherine Rocher, 27 ans, dans un parking. Catherine va être découverte le lendemain, soutien-gorge coupé en deux, slip ouvert sur le côté, vêtements tailladés et une découpe en Z au niveau de la braguette du pantalon. Violée à plusieurs reprises, son corps portera la marque de 10 coups de couteau. 4 jours seulement après cette agression, Guy Georges va réitérer en agressant une animatrice radio travaillant alors pour Radio Nostalgie, Annie Le Fléauté, sous le porche de son logement. Il va la forcer à lui faire une fellation sous la menace d'un couteau. Annie va alors garder son calme et essayer de discuter avec Guy Georges. Elle va réussir à l'amadouer et à s'enfuir. C'est à cette époque que la presse commence à parler du tueur de l'Est parisien. Le 8 novembre 1994, Guy Georges va assassiner Elsa Benadi dans un parking souterrain de sa résidence dans le 13e arrondissement. Elle sera violée et poignardée à plusieurs reprises au niveau du cou et de la poitrine. Un mois plus tard, c'est l'architecte néerlandaise Agnès Nijkamp qui sera retrouvée chez elle, morte. Elle aura été violée et poignardée. Guy Georges va également décrire le meurtre avec ces mots. J'étais en dehors de l'appartement lorsque je l'ai entendu téléphoner. Quand elle a ouvert la porte pour sortir, je l'ai braqué avec un couteau et je suis rentré avec elle. Il s'est passé la même chose que pour la précédente. Je l'ai entraîné vers son lit, j'ai dû l'entraver et je ne sais plus à quel moment exact je l'ai bâillonné. Ensuite, je l'ai tué en lui donnant des coups de couteau au niveau du cou. Et ensuite, j'ai fouillé son appartement et je crois avoir pris divers objets. Agnès est la quatrième victime de Guy Georges et à cette époque, il est complètement marginalisé. Il vit dans la rue, il erre de squat en squat et passe ses journées à boire de l'alcool et à voler dans les magasins. Le 15 juin 1995, c'est Elisabeth Ortega qui va être agressée. Il va pénétrer dans son appartement, il va tenter de la violer et de la tuer, mais elle parvient tout de même à lui parler et elle va arriver à s'échapper. Affolée et traumatisée lorsqu'elle sera interrogée par la police, elle ne donnera qu'un portrait robot approximatif décrivant un homme d'origine maghrébine et non métisse comme l'est Guy Georges. Lors de cette agression, Guy Georges commettra sa première erreur puisqu'il laissera sur les lieux un mégot de cigarette qu'il a fumé et on pourra alors tirer de ce mégot une première empreinte génétique. Guy Georges va commettre une autre erreur quelques mois plus tard, le 8 juillet 1995, lorsqu'il va violer et égorger Hélène Frinking, elle aura 28 ans à l'époque. Une nouvelle empreinte ADN sera retrouvée puisqu'il va laisser sur le corps de la victime du sperme. Cette empreinte va être comparée aux différentes empreintes déjà relevées sur les autres lieux d'agression et la correspondance de cette empreinte fera qu'on va l'appeler l'empreinte génétique SK1 pour Serial Killer numéro 1. Elle marchait à pied dans la rue, seule. Je lui ai demandé une cigarette et je crois qu'elle m'en a offert une. Comme elle rentrait chez elle, on a pris la même direction. À sa porte, je l'ai braquée avec un couteau. On est rentré chez elle, elle a essayé de me parler. Je lui ai dit de se taire. On est monté chez elle et, comme d'habitude, je l'ai violée. Je l'ai égorgée et j'ai fouillé son appartement. Cette année-là, l'affaire du tueur de l'Est parisien commence à faire la une des médias, les enquêteurs parvenant à faire le lien entre différents crimes, mais à l'époque, peu de preuves subsistent. Il y a simplement une trace de pied grec qui va être appelée pied égyptien par les enquêteurs, relevée lors de l'homicide d'Hélène Frinking, un portrait robot très vague et les deux traces d'ADN du même auteur laissées sur deux scènes de crime. Le 25 août 1995, il va agresser Mélanie, 20 ans, et il va essayer d'entrer dans son appartement. Son compagnon, qui l'attend alors chez elle, va la sauver d'une mort annoncée, et Guy Georges, en fuyant l'appartement, va laisser tomber son portefeuille. Il va être convoqué au commissariat, et la victime, Mélanie, va le reconnaître. Bien sûr, les enquêteurs font le lien avec les différentes affaires, ils font le lien avec le tueur de l'Est parisien, il décide alors de convoquer Elisabeth Ortega, une de ses précédentes victimes, et de lui montrer la photo de Guy Georges. Elisabeth Ortega, qui avait à l'époque décrit son agresseur comme étant d'origine maghrébine, ne va pas reconnaître le portrait de Guy Georges. Les enquêteurs ne vont donc pas comparer l'ADN de Guy Georges avec l'ADN de SK1. Guy Georges sera alors condamné à 30 mois de prison pour agression sexuelle, ce qui marque une pause dans les meurtres du tueur de l'Est parisien. Malheureusement, Guy Georges reprendra ses méfaits seulement 3 mois après sa sortie de prison. À partir de 1997, les événements vont s'enchaîner pour Guy Georges. Il est alors incontrôlable et la bête de la Bastille, comme on le surnomme à l'époque, va enchaîner les agressions. Après une tentative de viol manqué contre Estelle Fouque, c'est Magali Sirotti qui sera sa prochaine victime. Elle sera violée et poignardée dans son appartement. Valérie Lausanne va être agressée dans l'escalier de son immeuble le 28 octobre 1997, mais réussira à échapper à la folie meurtrière de Guy Georges. Moins d'un mois plus tard, c'est Estelle Magde, 25 ans, qui sera retrouvée dans son appartement, attachée, dénudée, elle aura été violée et égorgée dans son lit le jour précédent. Estelle Magde sera la dernière victime de Guy Georges, près de 7 ans après le meurtre de Pascal Escarfaille. C'est le laboratoire de biologie de Nantes qui va identifier le criminel en croisant les empreintes génétiques de l'ensemble de son fichier. L'ADN du suspect est le même que celui d'un homme plusieurs fois condamné pour agression, un certain Guy Georges. À l'époque, l'affaire du tueur de l'Est parisien fait les gros titres, et pour échapper à la folie médiatique qui empare la capitale et le pays, Guy Georges décide de quitter Paris. Il reviendra cependant quelques mois plus tard, et le 26 mars 1998, la radio RTL dévoile son identité, compromettant ainsi son arrestation. En fin de matinée, une patrouille l'intercepte, la cavale est terminée, et dans ses poches, les fonctionnaires de police découvriront couteau et préservatif. C'est ainsi que la folie meurtrière de Guy Georges sera stoppée net par la police, et va s'en suivre un des procès les plus médiatisés de l'époque. Ce procès retentissant débute le 19 mars 2001. Il va commencer par nier à l'aide de ses avocats, et lorsqu'il sera confronté à l'une de ses victimes, Elisabeth Ortega, il reconnaîtra 7 meurtres et une agression. Le 5 avril 2001, Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Guy Georges est donc officiellement libérable depuis 2020.